Le grand oral, première dissection, pourquoi cette épreuve existe. Avec mon bec de cuir et mes verres fumés, j'ai vu passer des siècles, des régimes, des modes pédagogiques et des jurys plus ou moins inspirés. Je peux donc vous le dire avec une légère tendresse de professeur attentif au succès de ses élèves, le grand oral n'est pas seulement une épreuve. C'est une scène minuscule où un élève tente de devenir, pendant quelques minutes, grand. Laissez-moi vous parler de l'épreuve et de sa finalité. Le grand oral a ceci de singulier qu'il vous oblige à parler en votre nom. Voilà qui change de tant d'exercices scolaires où l'on récite, où l'on restitue, où l'on s'applique à disparaître derrière la méthode. Ici, au contraire, vous choisissez un sujet. Et ce n'est pas un détail administratif, c'est le premier acte de votre parole. Choisir un sujet qui vous ressemble, ce n'est pas céder aux caprices, c'est comprendre une vérité simple. On parle mieux de ce qui nous travaille que de ce qui nous laisse froid. Un sujet qui vous importe vous donnera davantage de relief, davantage d'élan, davantage d'angle d'attaque. Il pourra provoquer l'intérêt, la curiosité, parfois la contradiction, mais il évitera au moins cette chose affreuse entre toutes, la parole morne. La parole scolaire des exposés d'enseignement moral et civique désincarnés. Il faut émouvoir. Le mot « émouvoir » fait peur à certains. Ils imaginent déjà les violons, les trémolos, le mouchoir humide de larmes. C'est une bêtise. Émouvoir, ce n'est pas forcément attendrir. On peut émouvoir par l'indignation, par l'inquiétude, par la surprise, par l'ironie même. En vérité, il s'agit moins de tirer une larme que de déplacer l'auditeur hors de son confort ou de sa torpeur. Et puis, il faut bien l'admettre, dans le grand oral, il y a un peu de théâtre. Alors, pas du théâtre emphatique, non. Pas besoin de se prendre pour un sociétaire de la comédie française surgeant le révolutionnaire prêt à l'échafaud dans une œuvre de Büchner. Mais on attend plus qu'un simple exposé scolaire. On attend une présence. C'est peut-être cela, au fond, que suggère le mot « grand » dans « grand oral ». Grand, d'abord, parce que l'épreuve compte dans l'examen avec un grand coefficient. Grand, surtout, parce qu'elle doit vous faire sortir grandi. À la fin de votre passage, le jury ne doit pas seulement se dire que vous avez appris votre leçon, il doit sentir qu'il a eu affaire à quelqu'un. Alors, quelle est la finalité de l'épreuve? Quand l'école devient mystérieuse, il faut retourner à sa théologie officielle, les textes qui la définissent, les bulletins officiels. Et ce que dit le cadre de l'épreuve est assez clair. Le grand oral sert d'abord à montrer qu'un candidat est capable de prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Cela change presque tout. Beaucoup d'élèves croient encore que l'essentiel réside dans la qualité du texte écrit en amont. Ce texte compte, bien sûr, mais il n'est pas le cœur battant de l'épreuve. Le cœur de l'épreuve, c'est la parole incarnée. Autrement dit, on ne vous demande pas seulement d'avoir des idées, on vous demande de les faire entendre. Cette nuance est décisive. À l'écrit, un correcteur voit immédiatement les fautes, les lourdeurs, les maladresses de construction. À l'oral, le jugement passe plutôt par d'autres canaux, la voix, le rythme, la netteté, la capacité à tenir l'attention. Un propos imparfait mais habité peut produire davantage d'effets qu'un développement théoriquement impeccable, mais assommant. Le texte officiel rappelle ensuite une deuxième finalité, mobiliser les savoirs acquis, notamment dans les enseignements de spécialité, au service d'une argumentation. Le grand oral n'est donc pas un numéro de charme flottant au-dessus du vide. Il faut des connaissances, des notions, des mécanismes, des exemples. Mais ces connaissances ne sont pas là pour être déversées comme on vide un camion de parpaing. Elles doivent servir une démonstration. Il ne s'agit pas de tout dire, il s'agit d'utiliser ce qu'il faut, au bon moment, pour faire avancer votre propos. Enfin, l'épreuve peut aussi permettre de montrer en quoi ces savoirs ont nourri un projet de poursuite d'études, voire un projet professionnel. Même si le sujet n'a pas à être strictement calé sur l'orientation, il est habile de pouvoir établir un lien entre ce que vous avez étudié, ce que vous pensez et ce que vous voulez faire. En somme, le jury évalue plusieurs choses à la fois. Votre capacité à parler seul pendant un temps donné, votre aptitude à répondre à des questions, votre maîtrise des contenus de cours, et votre faculté à donner du sens à votre parcours. C'est plus qu'un oral. C'est un point de rencontre entre une voix des savoirs et une trajectoire. Et cela implique une stratégie. Et la stratégie commence avant même la rédaction. Il faut d'abord choisir un sujet en lien avec un chapitre que l'on maîtrise réellement ou qui a produit chez soi une curiosité authentique. Le meilleur sujet n'est pas nécessairement le plus original. C'est souvent celui qu'on pourra défendre avec le plus de netteté et le plus de naturel. Il faut ensuite formuler une vraie question. Non pas seulement un intitulé froid et académique, mais une question capable d'ouvrir une réflexion, d'appeler une réponse argumentée et parfois même de laisser paraître quelque chose de personnel. Enfin, l'épreuve comprend deux temps. Une présentation, puis un échange avec le jury. Voilà qui signifie que la réussite ne repose pas seulement sur un texte bien mené, mais aussi sur la manière d'orienter la discussion, de répondre avec précision, de reformuler si nécessaire, et de rester vivant dans l'interaction. Le grand oral n'est donc pas un monologue pur, c'est une démonstration suivie d'une épreuve de présence d'esprit. Alors que faut-il retenir ? À ce stade, l'essentiel est déjà sur la table de dissection. Le grand oral n'est pas un concours de récitation, ni une dissertation debout, ni une aimable torture inventée pour humilier la jeunesse entre deux couloirs de lycée. C'est une épreuve de présence. Il faut comprendre ce qu'elle vise, comment elle se déroule et ce que le jury regarde réellement. Retenons donc trois idées. La première, le grand oral récompense une parole claire et incarnée. Il ne suffit pas de savoir. Il faut faire entendre ce savoir. La deuxième, cette parole n'est jamais séparée d'une stratégie. Le choix du sujet, la manière de poser une question, l'art d'orienter ensuite l'échange avec le jury, tout cela compte. La troisième, l'évaluation n'est pas un mystère ésotérique rédigé dans une cave ministérielle. Elle regarde cinq réalités très concrètes. 1. La voix. 2. La continuité du propos. 3. Les connaissances. 4. L'interaction. 5. La construction de l'argumentation. En somme, le grand oral demande moins d'être brillant à tout prix que d'être habité, structuré et suffisamment solide pour tenir debout sous la lumière. Et je vous parle ici en vieux corbeau de laboratoire. Masque au bec et mélancolie bien repassée. Dans toute ma longue traversée des siècles, j'ai vu des paroles triompher avec peu de moyens, simplement parce qu'elles étaient nettes, vivantes et tenues. J'en ai vu d'autres, savantes comme des encyclopédies en redingote, mourir d'avoir été prononcées sans souffle. Le grand oral commence donc ici. Dans cette alliance fragile entre ce que vous savez, ce que vous êtes, et la manière dont vous acceptez enfin de le faire entendre. Le reste viendra ensuite. La mécanique intime de la rhétorique, les trois forces du logos, du pathos et de l'éthos, puis l'art plus technique de la rédaction. Mais avant d'aller plus loin, il fallait comprendre la scène, les règles et la manière dont on y entre. Voilà qui est fait, et c'est déjà beaucoup.